jeunesse se passe. Il faut être bête à 20 ans. Un jeune idiot, c'est supportable. Un vieil idiot, c'est embêtant. Il faut que jeunesse se passe. Il faut se donner du bon temps. Tout passe, tout casse, tout lasse, sauf ce temps-là, précisément. Il faut chanter lorsque la voix est claire. Et il faut boire quand l'estomac va bien. Dormir si les femmes le tolèrent. Nous dit à peu près le dicton. Goûtons des joies toujours nouvelles, sans souci du quand dira-t-on. La jeunesse est verte et dorée, comme un arbre dans le soleil, car c'est l'aube d'une journée, son arc-en-ciel. La fortune des vieux est chauve, la nôtre a de longs cheveux blonds. L'attraperont ceux qui pourront. Quand on est jeune, on n'est pas beau. Il faut que jeunesse se bosse. Il faut être jeune à 20 ans. Voyez, le bonheur nous attend. Il est là, prenons-le quand il est temps. Il faut savoir bouffer des briques. La sagesse, c'est insensé. Son passé, on se le fabrique. Je veux avoir un beau passé. Un jour, tôt ou tard, on trépasse. Ayons l'orgueil de nos 20 ans. Il faut que jeunesse se passe. Il faut que jeunesse se passe. Tombe. Les mystères de Paris, c'est comme l'amour des femmes, fait de rire et de larmes. On les cherche, ils vous fuient. Les mystères de Paris, c'est un monde fantasque, car chacun porte un masque. Je l'ai pas vu, pas pris. L'amour des femmes fait de rire et de larmes. On les cherche, ils vous fuient. Le mystère de Paris, c'est un monde fantasque, car chacun porte un masque. Je l'ai pas vu. Je suis un tendre, je ferai pas de mal à un éléphant. Mais quand je m'énerve, il faut me comprendre. Je vois rouge et je deviens méchant. Et c'est comme ça que par des veines, un soir de petite discussion, j'ai rectifié mon capitaine. Ton. J'ai chouriné mon capistan. Ton. C'est depuis ce jour de malheur qu'on m'a surnommé le chouriner. On m'a envoyé aux galères 15 années jusqu'à ce qu'on me libère. Maintenant je suis marqué, je reste assis sur mon banc d'infamie. Tout ça pour une bêtise, un rien, un jeu d'enfant, gaminerie. Pourtant, je suis pas un bagarreur, un dur, un brutal, une terreur. Il est connu pour sa douceur, le chourineur. Quand c'était un gars pas très régule, soir et matin, il était sous Oh, j'en ai fait des joueurs de cellule, cet abruti-là. Il me rendait fou. Des fois, je chialais, j'avais de la peine. Et puis un jour, j'en retourne mes gonds. J'ai rectifié mon capitaine. J'ai chouriné mon capiston, tonton. C'est depuis ce jour de malheur qu'on m'a surnommé le chourineur. Mais maintenant j'ai payé ma dette, je peux relever bien haut la tête. Sur mes fautes de jeunesse, faudrait pas qu'à Pékin me dure l'épine. C'est lui qui aurait le culot de me traiter d'assassin, moi. Je le chouride. Pourtant, je suis pas un bagarreur. Un dur, un brutal, une terreur. Il est tout comme un enfant de cœur. Le je ne connais pas ça les salons, celle de la honte à fond scavale. Mais moi avec tous ces jupons, j'ai bien peur de me casser la gueule. Quel vilain mot, on ne dit pas ça. Il faut surveiller son langage. Les synonymes ne manquent pas. On dit la figure de visage, le minois, la physionomie, et tant d'autres expressions choisies. La frimousse, est-ce pas charmant? Ou bien la tronche, tout simplement. Ça vous en connaissez des mots? Seulement vous verrez si je bafouille. Moi j'aurai l'air plutôt ballot et je me ferai l'effet d'une vraie nouille. Quel vilain mot, on ne dit pas ça. On dit je parais très bien sotte. Les synonymes ne manquent pas. On dit je passerai pour une idiote. Bien, on me jugera fort bête, attardé, même analphabète. J'aurai l'air du doigt, c'est charmant. Ou d'une andouille, tout simplement. Quand je vois les ducs et les marquis, ils me font mal avec leur manière. Ils ont l'air de vrais abrutis, mais le plus gonflant, c'est leur rombière. Quel vilain mot, on ne dit pas ça. On dit leur épouse ou leur femme. Les synonymes ne manquent pas. Leur conjointe ou encore leur compagne. Ou leur associé pour la vie. Leur légitime, leur égérie. Leur moitié, n'est-ce pas charmant? Ou leur gonzesse, tout simplement. Je sais pas pourquoi vous insistez. Je suis pas faite pour les belles manières. C'est ce qui m'entendront jaspiner. Ils y vont tomber sur le derrière. Quel vilain mot, on ne dit pas ça. On dit les reins ou bien les lombes. Les synonymes ne manquent pas. On dit, je crains bien qu'ils ne tombent sur le séant, sur le poster, sur le verso, le train arrière, les hémisphères, tout au plus, ou tout simplement sur le c'est un fait. Je plais trop, c'est très net. Quelque chose en mes yeux les subjugue. Je plais trop, je ne sais pas pourquoi. Je plais trop, c'est un je ne sais quoi qui avec ma beauté se conjugue et qui les foudroie. Elles en volent de ma jolie gueule. Elles délirent, elles s'en feraient mourir. Je cède aux caresses de ces drôlesses par politesse. Autant que j'ai pu, je me suis débattu. Mais têtu, elles veulent ma vertu. J'ai vraiment combattu, mais ma vertu, ces dames l'ont tue. Est-ce que, parce que, je sais que je plais trop, c'est fatal. Je plais trop, c'est normal. De mon corps, quels sont gourmands. Je plais trop, la chute de mes reins. Je plais trop, mon côté malsain. Je ne peux pas suffire à la demande malgré mon entrain. Je sais bien que ça ne me vaut rien, que ça me fatigue quand je me prodigue. Lorsque je succombe, qu'une d'elles me tombe, je creuse ma tombe. Autant que j'ai pu, je me suis débattu, mais têtu, elles veulent ma vertu. J'ai vraiment combattu, mais ma vertu, ces dames l'ont tue. Est-ce que, parce que, je sais que je plais trop, c'est flagrant. Je plais trop, c'est gênant. Il faut bien en laisser pour les autres. En tout cas, malgré ma vigueur, je ne suis pas un accapareur. Je passe la main, ces dames sont vôtres. J'ai fait mon labeur. Expliquez-moi ce dont vous rêvez pour moi, mon cher et tendre ami, Joaquin Rossini. Dites-moi le premier ce que vous me proposez. Bella, bella, bellissima, mia, mia, carissima, gentilette, gentilette, rigolette, rigoletta. Je veux t'emmener en Italie pour faire mille folies tous deux, veux-tu chérie? À Milano, à Genova, à Napoli, à Venezia, nous mangerons des spaghettis, buvant du lacryma Christi et de l'asti Christi. Aussi, nous irons en Italie pour faire mille folies tous deux, veux-tu chérie? À Milano, à Genova, à Napoli, à Venezia, nous mangerons des spaghettis, buvant du lacryma Christi et de l'asti Christi. Aussi. À vous, cher Pipelet, d'exposer vos projets, et puis je vous dirai ce qu'alors j'en penserai. Au moins, vous savez, j'ai des principes auxquels point me dérange. Je vous offre mon nom et mon cœur, et la loge, vous seriez à la fois mon tout et ma moitié. On ne s'arrêterait plus jamais chez le portier. Pour pénétrer ici, les visiteurs, ma chère, devraient dorénavant passer par la portière. De tous mes privilèges, ainsi je vous fais don. Il n'est plus après ça qu'à tirer le cordon. Oh, quelle femme en vérité ne serait pas tentée à lécher à porter. C'est l'immobilité, c'est la sécurité, respectabilité, c'est l'uniformité et l'imbécilité. N'écoutez pas ce suborneur. N'écoutez pas cet endormeur. N'écoutez pas ce suborneur. N'écoutez pas cet endormeur. Ne vous disputez pas, tous deux, redites-moi ces mots si doux qu'on ne devrait prononcer qu'à genoux. Je veux en venir en Italie pour faire une folie de la loge. À Milano, à Genova, à la Napoli, veux-tu chérie, mais laissez-vous tenter, je crois en vérité qu'avec moi vous pouvez facilement trouver la vie. Thank you. C'est pas de chance, ma naissance n'eut pas lieu dans l'opulence. J'ai pas de père, même pas de mère. Dans la vie, j'ai jamais rien. C'est dans la rue, la cohue. J'ai grandi, à peine vêtue. Mes griottes et palottes, le ruisseau pour un jardin. C'est pas de chance, quand je repense aux souvenirs de mon enfance. C'est les gifles, les mornifles, mon pain quotidien. Des fois sur le pavé, des fois j'avais rêvé qu'un prince allait venir pour m'épouser et pour me sauver. Les hommes ont du bagou, on m'a dit des mots doux, mais le maire et le curé, c'est pas pour nous si on n'a pas le sou. C'est pas de chance, j'ai confiance, je suis trop bête, j'ai pas de défense. J'en ai honte, ce qu'on me raconte, je le prends pour argent comptant. Je suis bonne fille, si gentille, que chaque fois on me fauche pépille. Je m'en console, tout s'envole, chagrin et tracas. C'est pas de chance, et je pense que mon bonheur est en vacances. Mais en somme, je fais comme s'il n'existait pas. On m'a prédit pourtant que j'aurais beaucoup d'argent. Des perles et des fourrures et tout, des robes d'un prix fou. L'espoir, très peu pour moi, c'est bon pour les bourgeois. Car nous, on n'a pas le droit de se réjouir, on n'a pas d'avenir. C'est pas de chance, et je commence à me dire zut, je m'en balance. C'est les mêmes qui ont la crème, la fortune et les atouts. À la loterie de la vie, je ne gagne pas, je suis pas vernie. La bonne soupe, je la loupe, c'est jamais mon tour. C'est pas de chance, mais patience, tout ça n'a pas d'importance. Car je suis sûre, ça je vous le jure, que viendra l'amour. Le bonheur entrevu me rend plus seul qu'avant. S'il me fallait renoncer à l'espoir de jamais te revoir, je m'en irais très loin, n'ayant plus d'avenir. Seul, vivant de souvenirs. Un jour, grâce à toi, j'ai compris ce qui donne du prix et du goût à la vie. Tes yeux étaient mon univers et j'avais découvert ta tendresse infinie. entrevue me remplit seul qu'avant. S'il me fallait renoncer à l'espoir de jamais te revoir, je souffrirais l'enfer comme souffre un amant. Bien seul, sans aimer mon tourment, j'ai tout perdu. C'est dans l'orgie que je me vautre. Des femmes, j'en ai des millions, mais j'ai désiré ta venue. Alors dis-moi comment et où. Maintenant que t'es prévenu, tu vas me donner rendez-vous. Les maris de 3 jours, c'est la seule bonne affaire, car ils ont, pour vous plaire, seulement quelques jours. Ils vous les donnent, ils vous étonnent, ils déraisonnent, vous affectionnent, vous aiguillonnent, et vous bichonnent, et vous chiffonnent, c'est la passion. Les maris de 3 jours, c'est la seule bonne affaire, car ils ont, pour vous plaire, seulement quelques jours. Ils vous passionnent, ils vous pensionnent, ils vous pouponnent, ils vous mâchonnent, vous sélectionnent, puis s'abandonnent, et vous pardonnent leur abandon. Les maris de 3 jours, c'est la seule bonne affaire, c'est la seule bonne affaire. Un point, c'est tout. Les maris de trois jours ne font pas, c'est la seule bonne affaire, parce que moi, car ils ont, je veux plaire, pour vous plaire, faut que ce soit seulement pour toujours, quelques jours. Ils nous battent, ils vous passionnent, ils vous pensionnent, ils vous pouponnent, ils vous mâchonnent, ils vous sélectionnent, ils s'abandonnent et vous pardonnent. Oh, non, non, non. Les maris de 3 jours, c'est la seule bonne affaire, c'est la seule bonne affaire. Un point, c'est beau. Dans son numéro de charme. Il est frais comme le printemps, ses deux grands yeux sont mes étoiles. Je l'aime tant et tant et tant, qu'en le voyant les miens se voient. C'est à moi que vous causez. Il est comme le vent d'hiver qui vous glace et qui vous caresse. Oh, c'est à moi. Son regard est doux et pervers. Ben dites donc. Son étreinte est molle, mais très très. Très très, oui, mais molle, pardon. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Il est feignant, il est pas beau, il est pas tout à fait idiot. Mais presque, qu'est-ce que? Mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Sûr de lui-même, sûr que je l'aime. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a donc? Ce joli, ce vilain, ce méchant garçon. Quand il se prélasse au comptoir, buvant sa bière avec une paille, il a le don de m'émouvoir, de tout mon être je tressaille. Vous vous y ferez. Pourtant, il n'est guère amoureux et fait fi de la gaudriole. C'est vous qui le dites. C'est le genre imbécile heureux. Je l'avoue. Mais malgré ça, moi, j'en suis folle. Vous n'êtes pas la seule. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Il est feignant, il est pas beau, il est pas tout à fait idiot, mais presque, qu'est-ce que? Mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Sûr de lui-même, sûr que je l'aime. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Non, ce joli, ce vilain, ce méchant garçon. Le noir qui drape les secteurs. amants, on se marie à la mairie, les plus bourgeoisement. La vie est belle, sensationnelle, exceptionnelle pour les amants. Mon bonheur vient vacances, je suis heureuse et joyeuse. Enfin c'est mon tour quand je me promène, très mondaine, suspendue au bras de Gênes. J'ai l'idée qu'une fée est venue à mon secours. C'est de la chance et je pense que l'amour est sa récompense. Et très fière et j'espère